me souviens de cet été. Ce fameux été, yeah, yeah, yeah, yeah. Où le soleil était très jaune, le ciel bleu comme de l'eau. De faire l'amour, masturbation, dans un grand lit, sac de couchage. J'avais assuré comme toujours, c'est toi qui le dis. Toi aussi ma Lily. Et puis je t'ai dit, si tu m'aimes, si tu m'aimes, je t'en prie, aime-les aussi. Aurélie, je t'ai donné des morpions pour toute la vie. Si tu m'aimes, je t'en prie, aime-les aussi. Je me baladais sur cette plage, le Capostale, avec mes amis, avec Yuki. Y avait un très joli rivage plein de mazou. C'était de la magie. Merci total. Soudain je surpris ma main droite, la gauche aussi. Rencontrer aime-les aussi. Aurélie, je t'ai donné des morpions pour toute la vie. Si tu m'aimes, je t'en prie, aime-les aussi. Alors je pensais à tes yeux, qu'on se marie. Et c'est joli. Aurélie, je t'ai donné des morpions pour toute la vie. Si tu m'aimes, je t'en prie, aime-les aussi. Aurélie, je t'ai donné des morpions pour toute la vie. Si tu m'aimes, je t'en prie, aime-les aussi. Si tu m'aimes, aime-les aussi. Aurélie ?